Oui, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là par ce froid. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 37e soirée Iconosphère. Iconosphère a bientôt 10 ans. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce réseau, c'est un réseau que je coordonne avec Bruno Borin. C'est un réseau de chercheurs issus de mondes académiques, syndicaux et associatifs. Et son objectif est double. D'une part, l'idée, c'est de promouvoir des alternatives et des courants qui s'opposent à la pensée néolibérale dominante. Et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. Et d'autre part, de ramener les questions économiques au centre du débat démocratique. Donc voilà l'objectif du réseau qui organise la soirée ce soir. Et donc, nous essayons d'atteindre ces objectifs avec l'organisation de rencontres comme celle de ce soir, mais aussi avec notre site Iconosphère, où il y a beaucoup de textes critiques de chercheurs engagés. Donc, voilà, vous verrez qu'il y a une feuille qui circulera. Si vous souhaitez continuer à avoir des infos sur Iconosphère, n'hésitez pas à vous y inscrire. Voilà, maintenant pour ce qui est de la soirée de ce soir, intitulée « Réforme des pensions, piège à con », vous aurez peut-être remarqué qu'on a utilisé le titre de l'ouvrage, enfin qu'on a modifié le titre de l'ouvrage de Frédéric Lordon, « Fonds de pension, piège à con », que vous avez peut-être lu. Donc, l'idée ici, c'est que pendant 4 ans, la réforme des pensions a été au centre des attaques, en particulier syndicales, contre le premier gouvernement Michel. Et aujourd'hui, après la chute de ce gouvernement, ce processus de réforme, il reste un peu en suspens, on va dire. Mais a priori, l'âge de la retraite est quand même censé être porté à 67 ans d'ici 2030. Voilà, ce qui est important de signaler, c'est que le mouvement social et syndical a toutefois permis d'éviter jusqu'à présent, avec toutes les grèves qu'il y a pu avoir les manifestations qui ont eu lieu sur la question, il a évité d'autres mesures comme la mise en place d'un système de pension à points ou aussi des mesures sur la pénibilité, etc. Enfin, on y reviendra. Donc, la chute du gouvernement, elle permet de marquer un temps d'arrêt et, du coup, de débattre de l'avenir de notre système de retraite. C'est ce qu'on va faire ici avec nos invités donc, ce soir, 3 invités. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai le plaisir donc, d'accueillir Anne Léonard, secrétaire nationale de la CSC en charge des dossiers lié à la sécurité sociale et en particulier des pensions. Jean-François Tamellini, secrétaire fédéral de la FGTB en charge notamment également du dossier pension. Et Kim De Witt, docteur en droit à la KU Leuven, si je ne me trompe pas, et membre du service d'études du PTB, notamment sur les questions des pensions. Voilà. Donc, oui, je dirais aussi que tu es auteur de l'ouvrage récemment de Rothe Pensionruf, et donc il y a un plan pour récupérer les pensions. Enfin, tu en parleras peut-être. Voilà. Donc, deux questions qui vont parcourir notre débat, c'est donc faut-il réellement allonger la durée des carrières? Et puis, peut-on proposer un autre avenir pour les pensions que celui dessiné par le marché, hein, donc voir quelles ont été les propositions syndicales en la matière. Voilà, donc nous commencerons par Anne Léonard. Donc vous avez 15 minutes chacun pour présenter, puis nous donnerons la parole à la salle. Bonsoir à tout le monde. Alors effectivement, nous avons chacun 15 minutes pour pouvoir un peu esquisser les différents éléments de la réforme et notre analyse. Je suis certaine qu'on se complétera parce que 15 minutes, c'est à la fois court, mais pour un débat aussi important, je trouve qu'on doit pouvoir chacun se compléter. Je ne doute pas qu'on y arrivera. J'avais voulu, moi, c'est dans mon intervention, d'abord revenir sur finalement la première mesure qui a été prise par ce gouvernement, et c'est le relèvement de l'âge légal de la pension et de la pension anticipée. Alors que finalement, aucun parti ne l'avait repris dans son programme électoral et que la déclaration gouvernementale ne le mentionnait pas non plus. Et donc, de voir un peu avec vous ce qui se cache derrière. Et puis, quand on parle de réforme des pensions, je crois qu'il faut pouvoir aussi distinguer, sous le prisme de ce gouvernement, ce que ce gouvernement entend par réforme et de pouvoir approfondir cette analyse de la notion de réforme. Et puis, justement, on est à la veille de nouveau d'actions, non seulement sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur les conditions de fin de carrière, sur les pensions, des pensions durables, justes et dignes. C'est un choix politique. Et donc, quelles sont les recettes pour y arriver ? Donc d'abord, que penser du relèvement de l'âge légal de la pension ? D'abord, se dire que finalement, ce n'était pris comme mesure par ce gouvernement, comme une réforme structurelle, comme un cadeau qu'il donnait à la Commission européenne pour avoir une certaine souplesse dans la trajectoire budgétaire que ce gouvernement s'était fixé. Vous savez que la Commission européenne est friande de réformes structurelles. Le relèvement de l'âge légal de la pension fait partie de cette réflexion et s'inscrit dans cette tendance de la Commission européenne. Donc, soi-disant, c'était pour augmenter le taux d'emploi des plus âgés. Soi-disant, c'était pour sauver le système des pensions. Que nenni, à la base, c'était pour répondre à la Commission européenne et à la volonté de pouvoir venir avec des mesures structurelles et avoir une souplesse justement sur cette trajectoire budgétaire de la Belgique. Parce que finalement, en quoi le relèvement de l'âge légal de la pension pourrait assurer une soutenabilité financière des pensions, puisque finalement, on voit les branches silo par silo, mais on se dit relever l'âge légal de la pension, ça ne veut pas dire pour autant que les travailleurs resteront plus longtemps sur le marché de l'emploi. Ça veut dire peut-être qu'ils se retrouveront sous d'autres branches de la sécurité sociale. Ils seront sur le chômage comme demandeur d'emploi parce que les employeurs ou le marché de l'emploi n'aura fait aucun effort pour pouvoir maintenir le taux d'emploi des travailleurs âgés. Le relèvement de l'âge légal de la pension ne donne aucune perspective non plus pour les jeunes d'insérer le marché de l'emploi et dans des conditions de travail non pas précaires mais stables. Donc finalement, la soutenabilité financière des pensions n'est pas du tout assurée par le fait de relever l'âge légal de la pension. Le gouvernement ne donne aucune recette pour pouvoir venir assurer le socle de financement de la sécurité sociale. Donc cette soutenabilité à long terme, elle ne se pose pas qu'en question étroitement budgétaire et financière. Il faut penser à la soutenabilité aussi sociale du système des pensions. Or, ce gouvernement attaque très fortement à la fois les conditions de travail des travailleurs, âgés ou moins, enfin plus jeunes, et aussi attaque très fortement les femmes qui, on le sait, ça ne fait aucun doute, ont plus aussi de contraintes pour concilier les vies professionnelles et familiales. C'est elles qui ont essentiellement des carrières incomplètes, c'est elles qui prennent en charge encore de manière plus forte que les hommes les conciliations vie professionnelle et familiale, et c'est elles qui intègrent aussi le marché du travail, souvent dans des conditions d'emploi flexibles, visibles et à temps partiel. Elles sont plus présentes dans des secteurs où les temps partiels sont légion. Donc évidemment, ça me permet de revenir sur certains aspects de la réforme, puisque le gouvernement actuel, il a introduit des mesures très méritocratiques. Ça veut dire qu'il a plus fortement valorisé les périodes prestées que celles non prestées. Il continue à augmenter les pensions minimum, mais il augmente essentiellement les pensions minimum pour les carrières complètes et pas les carrières incomplètes, avec évidemment des impacts importants sur les femmes. Il démantèle les périodes assimilées. Il continue et accélère ce qui avait déjà été connu dans les gouvernements précédents, à savoir de durcir les conditions d'accès aux créditants et aux créditants de fin de carrière, aussi aux conditions de pré-pension. Et je rappelle que c'est le gouvernement précédent qui avait aussi augmenté la carrière pour pouvoir accéder à la pension. Donc ce gouvernement accélère effectivement des tendances qui avaient déjà été connues sous les gouvernements précédents. C'est pour ça que je dis qu'il est réellement primordial, c'est de revenir aux valeurs fondamentales de notre sécurité sociale et de ne pas se focaliser uniquement sur le système des pensions, sur le seul système des pensions, mais qu'il faut revenir aussi à ce que nous voulons comme société et ce que nous voulons maintenir comme niveau de vie pour les pensionnés. Donc, je le disais, les impacts de cette réforme ont des conséquences importantes. Ce sont des mesures inéquitables, tant sur la carrière que sur le niveau des pensions, et plus fortement pour les femmes. Et en plus, ils favorisent aussi les travailleurs dont le niveau de pouvoir d'achat leur permet de racheter les périodes d'années d'études. On n'en parle pas souvent, hein. On parle souvent du système à points, etc. Mais je rappelle que ce gouvernement a pris des mesures aussi pour que les travailleurs puissent racheter leurs périodes d'études et ainsi augmenter le niveau de leur pension. Mais qui peut se permettre à un moment X de racheter 3 ou 4 années de périodes d'études? Ce sont les travailleurs dont le niveau de vie est déjà suffisant que pour se dire que le taux de remplacement dans leur pension sera également décent. Et il ne fait pas que démanteler la pension légale, mais il renforce le deuxième pilier, hein, ce qu'on appelle les pensions complémentaires et l'épargne pension. Donc il favorise les travailleurs qui ont déjà un niveau de pouvoir d'achat important. C'est un système méritocratique, vous l'entendez souvent dire. Il est quand même normal que les travailleurs qui prestent gagnent plus par la suite. Mais aussi, ils augmentent plus pour les pensionnés qui ont déjà une carrière complète, donc les plus de 45 ans, en disant « je favorise comme ça les femmes ». Ce qu'il dit par là, c'est qu'en fait, quand il y a des pensions minimum, majorité de femmes sont aux pensions minimum. Pourquoi ? Parce que, un, soit elles ont des carrières incomplètes, ou deux, parce qu'elles ont sur le marché du travail déjà des salaires bas. Et donc, au niveau des pensions, elles sont souvent dans les pensions minimum. Donc tout ça pour en arriver peut-être à certains éléments pour mobiliser la population, c'est que pour nous, nos priorités s'articulent très clairement aux renforcement des pensions légales, il est inutile de dire que le taux de remplacement, donc le niveau, le ratio entre le niveau de vie des travailleurs et le niveau de vie des pensionnés doit se faire sur à la fois les pensions légales et à la fois sur l'épargne des travailleurs. Nous disons, ce qu'il faut renforcer, c'est le premier pilier, c'est les pensions légales d'abord. Et ce qu'il faut renforcer aussi, c'est la pension minimum. Il faut que la pension minimum augmente et que les méthodes de calcul qui sont utilisées permettent automatiquement de renforcer ces pensions minimum, et que quand on parle du financement des pensions, il ne s'agit pas de penser uniquement au financement des pensions, mais également au financement de la sécurité sociale. Je vous rappelle que le tax shift, ou que quand il y a des jobs qui sont créés mais qui ne n'ouvrent aucun droit et qui ne cotisent pas au financement de la sécurité sociale, ça veut dire qu'on diminue le socle de solidarité, le socle de financement de notre sécurité sociale et des pensions. Vous ne m'entendrez pas dire que nous sommes opposés au maintien des travailleurs sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut des systèmes qui permettent de concilier vie professionnelle et vie familiale tout au long de la carrière, aussi en fin de carrière, et donc d'arrêter de démanteler les crédits temps de fin de carrière qui permettent aux travailleurs plus âgés de pouvoir continuer et de donner des perspectives sur une pension fixée à 65 ans et de pouvoir créer des emplois également pour les jeunes. Pour ce qui est de la pension minimum, pour vous donner concrètement ce que ça peut représenter, pour une carrière incomplète, la pension minimum est maintenant au taux isolé de 1236 euros. C'est bien en dessous de ce que nous demandons. Pour les carrières complètes, certains demandent 1500 euros. Nous disons pour les carrières incomplètes, il faut certainement porter à 10% au-dessus du seuil de pauvreté. Donc ça veut dire qu'on serait plus ou moins 1300 euros. Comment est-ce que vous pouvez effectivement penser que ce sont des pensions inatteignables? Il faut pouvoir renforcer les pensions minimum, à la fois pour les carrières incomplètes et pour les carrières complètes. Voilà. Mais je suis certaine qu'on reviendra à d'autres éléments concernant la pénibilité, pension à point, pension à mi-temps, etc. Il y a de quoi dire. Merci beaucoup, Anne, pour cette critique de la réforme et aussi ces propositions, leurs revendications et d'éventuels, comme tu l'as dit, appel à la mobilisation, donc ça on pourra aussi en parler. Et maintenant, Jean-François, je vais t'aider. Un élément important dans la résistance, parce qu'on doit parler de résistance sur le dossier pension, c'est le fait qu'on ait fonctionné en front commun. Depuis le départ, il y a évidemment des divergences sur d'autres dossiers, tactiques, stratégiques, tout ce qu'on veut. Sur les pensions, on a parlé d'une seule voix, y compris avec la CGCLB, il faut le dire aussi. Et ça nous a renforcés. On était plus qu'un caillou dans la botte de Backlund, ce que je disais, parce qu'il a été systématiquement confronté à des positions unanimes, des positions fortes, qui même à certains moments faisaient vaciller le patronat, même si j'en parlerai du patronat. Et je pense que c'est un élément à retenir dans les techniques de résistance par rapport à des gouvernements d'ultra-droite comme celui-là. Néanmoins, bon, voilà, on doit garder un sens critique parce que si on a réussi à faire front et à empêcher certains reculs historiques, on n'a pas eu de victoire. Que du contraire, tu l'as dit, Anne, les 67 ans, c'est 66 en 2025, 67 en 2030. On continue à les contester, on va continuer à les contester et créer un rapport de force pour revenir à 65. Mais voilà, il y a des éléments qu'on a marqués ensemble. Alors, moi, je vais essayer d'aborder 5 points en restructurant un petit peu mes notes ici. D'abord, l'état d'esprit dans lequel on a discuté par rapport à Backlund. Ensuite, je parlerai de 4 caractéristiques des mesures de Backlund, qui me semblent importantes. et à rappeler pour les autres partis, hein, pour j'espère un autre gouvernement. Troisièmement, j'aborderai les vrais commanditaires des réformes. Anne a parlé de la Commission européenne. Moi, je reviendrai sur peut-être d'autres commanditaires, probablement la solde de la Commission européenne, mais ça semble important dans l'analyse. Un quatrième point sur les alternatives, je vais compléter un petit peu ce qu'Anne a dit. Et un cinquième point sur les mobilisations, la suite, qu'est-ce qu'on fait. Donc l'état d'esprit, c'est important de le savoir. C'est que Backlund, quand il présentait ses réformes, pour comprendre comment il fonctionnait, ce type-là, il avait un beau PowerPoint, très bien fait, mais le premier slide, c'était une photo de Jane Fonda. Il venait, il projetait une photo de Jane Fonda, quand j'ai assisté à Charleroi. Et alors, voilà, c'était son premier slide, et il disait, Jane Fonda, quelle belle femme. Vous avez vu, 80 ans, regardez quelle belle femme. Vous comprenez pourquoi on doit relever l'âge à 67 ans, en Belgique ? Jane Fonda. Et donc, moi, je pensais que c'était un gag au départ. Il n'est pas possible. Jane Fonda, moi, Jane Fonda, j'aime bien. En plus, je pense que c'est une femme de gauche. Si elle savait que c'est Backlund qui l'instrumentalise pour défendre les réformes, je pense qu'elle serait mal. Mais voilà, c'est l'état d'esprit. Un ministre qui se base là-dessus pour défendre les 1% de la population, les gens qui ont des beaux comptes en banque et qui sont dans des situations que ne vivent pas les 99% de la population. Or, nous défendons les 99% de la population. Mais c'est cet état d'esprit-là qui a prévalu tout au long des négociations. Des réalités qui leur appartiennent, mais qui ne sont pas les nôtres. Que nous avons systématiquement répété au Comité national des pensions, dans toutes les instances où nous étions, mais qui n'existaient pas pour lui. Il était convaincu de ces histoires. Or, Jane Fonda, pas Jane Fonda, l'espérance de vie en bonne santé en Belgique, elle est à 64 ans en moyenne. 64 ans, c'est les chiffres officiels. Mais avec des différences en fonction des revenus qui sont énormes. 18 ans d'espérance de vie en bonne santé en moins pour les hommes qui ont moins les moyens par rapport aux ministres, par exemple. 25 ans d'espérance de vie en bonne santé en moins pour les femmes qui n'ont pas les moyens par rapport à Jane Fonda. 25 ans d'espérance de vie en bonne santé en moins. Espérance de vie en bonne santé, ça veut dire maladies chroniques qui apparaissent. Lourdes financièrement, mais très lourdes sur la santé. Et c'est de ça dont on voulait parler. Quand on parlait pénibilité, quand on parlait réalité des gens. Et il n'a jamais voulu l'entendre. Il a continué sur sa ligne budgétaire. Les pensions pour Backlund, c'était une ligne budgétaire dans un bilan comptable. Et c'est pour ça qu'il s'est attaqué violemment aux services publics. Il fallait faire, là, les services publics, pour nous, les pensions des services publics statutaires, contractuels, sont dans la même merde que les salariés. Mais statutaires étaient la référence. 1600 euros en moyenne. Pas croire que c'était des montants. Oui, c'était 1600 euros. Et donc, c'était le montant de dignité dont nous voulions parler. Sa volonté à lui, du gouvernement, mais de Backlund, incarné par Backlund, c'était de tirer vers le bas et donc de faire une économie budgétaire. Les quatre caractéristiques des réformes de Backlund, c'est d'abord donc le problème sur la santé. Les réformes de Backlund ont un impact lourd sur la santé des travailleurs, des travailleuses de ce pays. 67 ans, alors que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans en moyenne, avec les différences que j'ai expliquées, c'est meurtrier. J'ai utilisé ce terme-là, ça a choqué. Mais on a invité des experts, des profs du NIF, des scientifiques. Nous, on connaît la réalité. Les syndicats sont les seuls, par rapport au gouvernement et par rapport aux employeurs, à connaître les vraies réalités. Heureusement, il y a des assos, il y a plein de gens qui se mobilisent. Mais nous avons, nous, les personnes qui viennent dans nos bureaux respectifs expliquer leur situation, leur état de santé, l'impact, puis les montants qui sont insuffisants que pour vivre dignement. Et donc, l'impact sur la santé, les 67 ans, effectivement, sont un problème. La mesure linéaire à 67 ans, pour tout le monde 67 ans, c'est un impact lourd sur la santé des travailleurs. Et ça a été reconnu à plusieurs reprises. La deuxième caractéristique, c'est, comme Anne l'a dit, ce ne sont que des mesures anti-femmes. Ça caractérise vraiment les mesures de Backlund. La pension minimale, Anne en a parlé, je ne vais pas leur dire, mais Backlund faisait son petit show sur Bell RTL ce matin. Les journalistes nous ont téléphoné, tiens, c'est bien, mesure de Backlund, c'est bien. Pension minimale à 45 années de carrière, alors que les femmes en moyenne ont 36 années de carrière, 36,6 pour être précis, ça veut dire qu'une grosse majorité des femmes n'ont pas d'augmentation de la pension minimale. Pour ceux qui l'ont, c'est des cacahuètes, hein, c'est 0,7%, c'est même pas les 0,8 dont on parle pour l'AIP. Hein. Et donc, pour les femmes, il sait sciemment, Backlund, qu'il met de côté énormément de femmes. Il y a 630 000 pensionnés qui sont au seuil minimal, pensionnés qui sont au seuil minimal en Belgique. Une pensionnée sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté en Belgique, et beaucoup de femmes qui sont dans des situations précaires. Et ici, ces mesures, ça renforce les inégalités. c'est l'élément qui est caractérisé dans les mesures anti-femmes, notamment de Bakland. Deuxième mesure anti-femmes, c'est la retraite anticipée. Anne l'a dit, il n'a fait que renforcer des mesures qui avaient déjà été prises par d'autres. Mais c'est méchant, le renforcement. Il faut 42 années de carrière pour pouvoir arrêter à 63 ans. Or, je répète, les carrières moyennes des femmes, parce que notre société encore fonctionne très mal, hein, les temps partiels forcés, toute une série de choses qui font que, voilà, de facto, les femmes se retrouvent avec une carrière moindre, 36 années, fait qu'une grosse majorité des femmes est condamnée à travailler jusqu'à 67 ans. Ce qui est inacceptable, évidemment. Mais dans les faits, lui, il sait très bien, on lui a répété, et il continue, il s'obstine. Retraite anticipée, même chose. Mesure anti-femme. La pension à mi-temps, qu'il a essayé de faire passer, il n'a pas réussi, mais on nous dit qu'il essaye de faire passer par le Parlement, on en parlera. Est-ce que la chute du gouvernement fait que tout s'arrête? Que du contraire. La pension minimale, il vient de la faire passer maintenant, pour les carrières complètes. Il continue au niveau du Parlement, d'où les mobilisations. Mais la pension à mi-temps qu'il a essayé de faire passer, eh bien, c'était les mêmes conditions que la retraite anticipée. 63 ans, 42 années de carrière. Et donc, il exclut à nouveau les femmes. Ici, sur ce coup-là, c'était pas plus mal, parce que la pension à mi-temps, c'est une saloperie. Ça vient nuire aux créditants, fin de carrière dont on a parlé. Mais sur les faits, dans les faits, c'est une mesure anti-femme. Il sait très bien que la carrière moyenne des hommes, c'est 42 ans. Et comme par hasard, retraite anticipée, pension mi-temps, la condition de carrière, c'est 42 ans. Il sait très bien que pour les femmes, c'est pas possible. Enfin, une majorité de femmes. Et donc c'est effectivement des mesures anti-femmes. Il a eu le culot de faire des communiqués de presse la veille de la Journée internationale des droits des femmes pour dire « mes mesures sont favorables pour les femmes ». La veille, il savait très bien, il faisait un coup de... Alors que c'est totalement l'inverse. Ça creuse les inégalités, je l'ai dit, et j'ai cité les 630 000 pensionnés qui sont au seuil minimum et un pensionné, une pensionnée sur quatre, sous le seuil de pauvreté. Quand il fait sa pub ce matin sur BLRTL pour dire que, grâce à lui, il a diminué la cotisation de solidarité. C'était la seule mesure sociale du plan global de Dehaene. Le plan global de Dehaene, saloperie, hein, tout le monde le sait. Mais il avait pris quelques petites mesures pour un petit peu calmer le jeu. La cotisation de solidarité. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on prélève une cotisation sur les pensions qui sont un peu plus hautes. Et cet argent-là, les recettes, ça permet d'augmenter les pensions les plus basses. C'est ça l'esprit. Qu'est-ce qu'il fait Bakland? Il supprime une partie de ça. Nous, on a toujours été favorables à alléger, à soulager les pensionnés, donc augmenter les pensions. On a toujours été favorable. Mais on a toujours dit, il est hors de question d'amputer l'enveloppe, 50 millions d'euros, qui devait permettre d'augmenter les pensions les plus basses. C'est ce qu'il fait ici. Donc il creuse encore les inégalités en prenant l'argent. Là, il ne doit pas les prendre. Il veut prendre l'argent ailleurs et on va y revenir. Mais là, sa mesure est un creusement des inégalités qui est dénoncé par tous les économistes hein, de droite. Hein. Paul de Gros, parce qu'il fait, il a une cure de gauchisme, hein, Paul de Gros, j'ai entendu avant-hier. De Calataille, Coleman, inventeurs internationaux qui nous disent le creusement des inégalités va créer des catastrophes sociales, écologiques, économiques, parce qu'ils défendent leur système. Hein, eux, hein. Mais ils disent, et Bakland, il creuse les inégalités encore avec des mesures comme celle-là. Ça, c'est insupportable. Et la dignité, il touche à la dignité. La pension à points, qu'on a réussi, mais uniquement à mettre au frigo, hein. Ils vont la ressortir à une vitesse VVP, parce que c'était ça leur véritable objectif. Hein. La pension à points, cette mesure qui permet de geler le montant des pensions pendant plusieurs années. Si la dette publique belge est trop élevée, ils gèlent le montant de votre pension. Si le taux de chômage est trop élevé, ils gèlent le montant de votre pension. Or, le coût de la vie va continuer à augmenter. Hein. Les factures d'électricité, hein, on va tous recevoir, on a reçu nos factures, là, hein. On voit bien comment ça augmente. Hein. Le coût de l'essence, enfin, tout augmente. Si on gèle votre pension pendant plusieurs années, il peut jouer sur le mot en disant « je ne vais pas diminuer votre pension hein. ». Ah non, il va la geler pendant plusieurs années, le coût de la vie va continuer d'augmenter, il pousse dans la précarité les 630 000 qui sont au seuil minimal, les 1 sur 4 qui sont sous le seuil de pauvreté. Il pousse, ça sera 1 sur 3 hein, la prochaine étape. Et donc on a un grave problème, c'est une atteinte à la dignité des travailleurs, des travailleuses de ce pays. Alors, je disais, les vrais commanditaires, c'est qui? Il faut rappeler hein, qu'aucun parti de la majorité ici n'avait dans son programme les 67 ans. Hein. Est-ce que c'est la Commission européenne? Évidemment qu'ils donnent des lignes. Mais c'est surtout la FEB hein, qui sont les vrais commanditaires. Pour ça, je parlais de gouvernement MRNVA-FEB. Le mémorandum de la FEB de 2004 reprenait l'âge de la pension jusqu'à 70 ans. Et donc, avec le système à points qui permettait de geler le montant de la pension, c'était du pain béni pour eux. Hein, parce qu'ils disaient, on n'a même pas besoin d'augmenter. On va geler le montant des pensions et les travailleurs eux-mêmes vont demander à travailler plus longtemps, à s'abîmer la santé plus longtemps. C'était dans le mémorandum de l'AFB en 2004. Ils fixaient le programme du gouvernement. Et donc, c'est eux les vrais commanditaires. Parce que je répète, aucun parti n'avait ça dans son escarcelle. Mais il fallait faire plaisir au grand patronat. Et ça, c'est scandaleux, mais c'est important pour la mobilisation. C'est sur ces gens-là qu'il faut peser, sur les vrais commanditaires de la mesure. Alors, les alternatives, effectivement, on doit revenir aux 65 ans, mais avec des formules de 12 pour les fins de carrière. Nous aussi, on a encouragé à pouvoir travailler ceux qui peuvent le faire. Ceux qui ont un problème de santé, nous demandions un cadastre. C'est ce qu'on a défendu pendant un an et demi. Pendant un an et demi de négociations, de préparation, nous avons tout fait. Et on voulait adoucir les fins de carrière, mais revenir aux 65 ans, c'est indispensable. Et puis, le montant, c'est vrai que mon organisation a cité les 1500 euros, on a même parlé de 1500 euros net, moi je déteste parler en net, moi je veux parler en brut, mais bon voilà, c'était le montant qui est sorti à un moment donné, parce que c'est ce qu'on estimait comme les prémices du seuil de dignité. C'était le montant qu'on avait estimé pour avoir accès à une maison de retraite. Voilà, c'est emmerdant, c'est peut-être pas le meilleur critère, hein. Mais quand on a, nous, des gens qui viennent chez nous et qui nous disent, voilà, on est en maison de retraite et les enfants doivent intervenir et on ne sait pas, on ne sait pas. Et donc, voilà, on a dû fixer des critères, c'est les 1500 euros. Mais on ne s'est pas contenté de ça, on a expliqué comment on devait le financer, ces 1500 euros. Et donc, on a mis deux éléments sur la table, on les a mis en négociation. Le fameux tax shift, là, qui était une saloperie, qui ne profite qu'aux grands patrons et pas aux travailleurs. Avec le tax shift, ils ont descendu les cotisations payées par les patrons de 33% à 25%. Si, admettons, on rentre dans leur logique, on la refuse, hein, mais on rentre dans leur logique, s'ils étaient descendus de 33% à 27% au lieu de 25%, les 2%, c'était 3,2 milliards tous les ans qu'on récupérait. Avec ça, on pouvait déjà atteindre une grosse partie de ce qu'on voulait. Deuxième proposition qu'on a mise sur la table, c'est la proposition remâchée de Reinders quand il a fait sa déclaration libératoire unique. Hein, ceux qui fraudaient, qui rapatriaient ici, on prenait une partie et on le mettait dans le fonds de vieillissement. Ils n'ont jamais fait. Ici, depuis les Wikileaks, Panama Papers et bazar, on a non seulement les 30 milliards par an, on les connaît, le montant, mais on sait le nom, les adresses, et on a les noms. On l'a cité une fois sur les médias, on se fait traiter de populiste, mais on a les noms, les adresses. Il faut une volonté politique de récupérer une partie pour financer des pensions dignes. Donc c'est faisable, non seulement on met sur la table les objectifs à atteindre, mais on met comment les atteindre. Et il faut une volonté politique de le faire. Et ça, on est face à un mur. Non, non, c'est pas possible, c'est du populisme. Non, c'est évidemment que c'est possible. Alors j'en termine par là, c'est la mobilisation. Le gouvernement est tombé, hein, la NVA n'a pas eu gain de cause parce qu'elle voulait mettre la migration au centre et les jeunes, remettre le climat, remettre les aspects essentiels au centre de l'équation. Donc ils sont emmerdés, donc ils vont faire la musculation. Mais nous devons continuer à nous mobiliser. La grève générale, nationale, je joue sur les mots, mais du 13 février, c'est pas uniquement pour l'AIP. C'est pour nos services publics, c'est pour les pensions. Les pensions sont l'élément fédérateur, concerne tout le monde. Les jeunes sont concernés, les femmes surtout, les services publics, tout le monde. Et donc, pour les mobilisations, nous devons rester mobilisés. Le 13, il y aura une action qui, j'espère, sera largement suivie, mais nous devons continuer jusqu'en mai pour faire pression sur le Parlement, pour ne pas prendre des mesures scélérates. Et deuxièmement, pour les partis progressistes qui disent proches des travailleurs et travailleuses, à se dire écouter les revendications des syndicats qui connaissent la réalité. Bon, je m'arrête ici. Merci Jean-François pour cette intervention à la fois technique et politique, ce qui est toujours important. Alors peut-être que justement aussi Kim va pouvoir nous éclairer, peut-être aussi parfois, parce que vous parlez comme vous êtes tous les deux très très très engagés dans ce dossier depuis très longtemps, parfois sur... La pension à points, la pénibilité, etc. Je pense que peut-être que tu pourrais aussi revenir plus en détail sur ces questions-là pour expliquer un peu ce qui s'est passé sur ces deux points en particulier, parce qu'on les emploie comme ça, mais les gens qui sont dans la salle ne connaissent pas forcément les détails, peut-être, hein, peut-être pas tout le monde. Et donc je pense que c'est important aussi pour la suite du débat d'aborder ces réformes, pas seulement sur le plan technique, mais aussi... plus d'aller sur le plan politique directement, ce que ne manquera pas de nous faire la salle tout à l'heure, je pense. À toi, Kim, pour la dernière intervention. Merci, Anne. Donc, Jean-François s'est plaint que Anne avait pris son discours, et donc, qu'est-ce que moi je dois dire alors, Jean-François? Anne m'a dit... Bon, en fait, moi, j'ai trois points que je voulais porter, et puis je peux après encore un peu expliquer sur... mais je pense que c'est important de s'arrêter un peu plus au niveau de l'enjeu. pourquoi on fait tout ça. Et puis deuxièmement, sur les revendications, sur les visions qui sont opposées, et puis aussi sur certaines expériences de la lutte au niveau des pensions. Parce que, et pour commencer immédiatement avec l'enjeu, donc oui, il y a eu, donc Anne en a parlé, Lisbonne et après Barcelone, donc des sommets européens, on a dit, ok, on va faire travailler les gens plus longtemps. C'était une grosse attaque sur le droit à la pension en 2002, 2000, Lisbonne et 2002. Et en fait, Jean-François en a parlé, mais donc c'est la compétitivité des entreprises. C'était très, très fort mis en avant. Par exemple, en Belgique, donc le baby boom, on connaît le nombre. Je pense qu'il y a beaucoup de baby boomers ici dans la salle. Hein. Donc les gens nés entre 1945 et 1965, ils partent tous en pension entre 2010 et 2030. Et on avait prévu ça. On sait ça depuis longtemps. En Belgique, il s'agit de 643 000 personnes. Quand ils partent, quand ils vont quitter le marché du travail, qu'est-ce qui va se passer avec... Donc, on est à fond dans le processus. Ce gouvernement, par exemple, communique, oh, on crée plein de jobs, on crée plein de jobs. Il y a tout un processus démographique qui a lieu et qui fait qu'il y a une diminution de l'offre sur le marché du travail. Qu'est-ce qui se passe avec le prix des salaires quand l'offre diminue? C'est ça, le prix va monter. Et donc, c'était dans ces rapports déjà très explicitement expliqué. On ne parlait pas en 2000 et en 2011. C'est seulement après la première vague de lutte dans les pays européens, entre 2000 et 2005, que toute la question de la payabilité est devenue sur la table. Avant, on ne parlait pas très peu de ça. On parlait du problème que toute une série de gens allaient quitter le marché du travail et que ça allait créer une pression inflatoire, donc une pression sur les salaires. Les salaires allaient augmenter, et on voulait éviter ça pour la compétitivité des entreprises avec, à l'époque, c'était encore un peu le Japon et les États-Unis. Et c'était ça l'enjeu. Et lié à ça, il y avait l'aspect de diminuer aussi, pour la compétitivité des entreprises, les salaires indirects. Donc la partie du salaire qui est versé dans les caisses de la sécurité sociale. Et ça, tous les gouvernements, donc par exemple le bureau du plan, ils ont calculé depuis 2000 qu'est-ce qu'on a perdu au niveau du financement de la sécurité sociale. Et en 2018, par exemple, tous les cadeaux parafiscaux, donc tous les cadeaux au niveau social, s'accumulent à 16 milliards qui devaient venir dans les caisses de la sécurité sociale pour financer nos pensions, nos soins de santé, nos Kinderbeslager, comment on appelle ça, je connais ça. Voilà, merci. Donc pour le 16 milliards, c'est pour l'année 2018. Uniquement. Donc c'est récurrent. C'est chaque année et c'est dans le rapport du bureau du plan de novembre 2017. Et donc c'est la moitié du budget pension. Donc la sécurité sociale, c'est entre 90 et 100 milliards, ça dépend de ce que tu mets dedans. Les pensions, c'est 40 milliards. Et donc 16 milliards, on perd, c'est 4% du PIB. C'est l'augmentation des frais des pensions dans les 40 ans qui viennent, qu'on donne déjà. Et cet argent, elle est où? Il n'est pas parti. Oui, c'est des dividendes. Donc, c'est très intéressant de comparer avec des rapports de la Banque nationale. Les dividendes ont fortement augmenté dans cette période. Et ce gouvernement, c'est le tax shift. C'est 4 milliards dont tout le monde dit que ce n'est pas financé. Donc, l'enjeu, c'est chaque fois, c'est le même discours. Il faut diminuer les salaires et les salaires ou les coûts salariaux. Diminuer les salaires indirects. Et si on laisse tous ces systèmes, parce que c'est une spirale vers le bas, tous les pays le font, hein, l'OCDE en fait des rapports aussi très récemment, ils prévoient eux-mêmes des problèmes au niveau du pouvoir d'achat en Europe, parce que tout le monde diminue alors les salaires indirects, hein, qui auront un impact sur nos revenus quand on est pensionné ou quand on est malade, tout ça. Si on continue comme ça, alors on crée une prochaine crise, parce que qui va acheter tous les produits? Et donc moi j'étais à Autriche il y a quelques mois, c'était très intéressant, eux disaient très explicitement votre tax shift, parce qu'en Autriche on a un système de pension qui est beaucoup beaucoup plus forte par rapport à le nôtre. Pension moyenne pour les hommes c'est 1 800 €, pour les femmes c'est grave, hein, l'écart pension est grand, mais c'est 1 250 €. Quand tu vas comparer ça avec les femmes ici, c'est autour de 900 € pour les femmes. Donc les pensions sont beaucoup plus élevées. L'âge de la pension en Autriche pour les femmes, c'est encore 60 ans. 60 ans aujourd'hui. Donc le nouveau gouvernement de droite veut l'attaquer à fond, mais ils ont peur quand même de l'attaquer. Mais ils disent très explicitement, l'argent que vous avez investi dans votre tax shift, la majorité, ce ne sera pas réinvesti dans votre pays. C'est ici et au Francfort et à Londres et à New York que les actionnaires reçoivent cet argent. L'argent que nous investissons dans les pensions, parce qu'eux, ils mettent plus ou moins 50% plus hein, en pourcentage du PIB dans leurs pensions, ça revient, 90% revient dans notre économie. Il y a quelques-uns qui sont en Espagne et qui achètent leurs trucs là-bas, mais 90% revient dans notre économie. Donc, au niveau de l'enjeu, c'est chaque fois la même chose, c'est compétitivité des entreprises et donc éviter que la pression sur les salaires soit trop grande quand le baby boom part en pension. Deuxièmement, et ça c'est très fort, et c'est lié au système à points, c'est la privatisation des pensions. Donc c'est un marché, un grand marché. Et en Allemagne, par exemple, on a introduit le système à points en 2002 et c'était très explicitement lié à la privatisation. Donc on disait, dès que le budget ne permet pas d'augmenter les pensions, tout ça, on va les bloquer. Et au même moment, on va renforcer le deuxième pilier. Donc tous les Betriebsrenten, c'est là-bas, hein, donc les pensions complémentaires, qu'on appelle ça ici, des entreprises. Et l'État, maintenant, ils investissent entre 30 et 50 milliards qu'ils ont investis. Donc en 2015, ils étaient à 30 milliards que l'État avait déjà subventionné les acteurs privés pour, hein, c'est comme ici, on fait plein de subsides pour que ces acteurs privés investissent dans les pensions privées et que les gens vont investir dans ça. Mais donc on est en train de privatiser et de donner tout ce marché qui, pour le moment, en majorité en Europe, est encore dans les mains du public, on veut le donner à des acteurs privés, des banques et des assureurs. Et c'est un enjeu, et c'est aussi très explicite. C'est des acteurs sur le marché qui cherchent chaque fois de nouvelles ou de nouveaux marchés. Et ça, c'est un deuxième aspect de l'enjeu de toute cette question des retraites ou des pensions. Puis, deuxième point, la revendication. Donc par rapport à ça, les syndicats, et bon, c'est un exemple aussi, quand je vais à l'extérieur, j'étais au Danemark récemment, ils demandent, waouh, qu'est-ce qui se passe en Belgique? Comment vous avez retrouvé, on a dit ça, le deuxième haleine ou, oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc au début, il y avait beaucoup de résistance par rapport au plan des pensions, et puis il y a un moins, et puis les syndicats ont retrouvé une force, surtout autour de système à points, et ils ont continué aussi sur l'âge, la pension et tout ça. Et donc, je pense, il y a deux aspects là, il y a l'âge, il y a les montants. Le niveau de l'âge, donc c'est le droit au repos et à la liberté après une carrière intense. On se bat pour ça, et ce droit devient de nouveau un privilège, parce que Jean-François l'a expliqué, quelqu'un qui a travaillé dans le bâtiment et tout ça, c'est... Donc l'âge, l'espérance de vie, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Et beaucoup de gens l'oublient. Et on nous dit chaque fois, oui, mais on vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. Mais c'est faux, on ne vit pas plus longtemps. Donc l'homme ne vit pas plus longtemps. L'homme n'a presque pas changé au niveau génétique. Donc oui, l'espérance de vie a presque doublé. On a commencé à mesurer ça à partir de 1800. Hein, Napoléon est venu ici, il a créé des... Comment on appelle ça? Openbare standen. Et tout le monde devait s'inscrire quand il était né et se désinscrire quand il décédait. Hein? Ouais, les états civils. Et donc, on a des chiffres assez détaillés pour toute l'Europe à partir de autour de 1800 sur la durée de la vie des gens. Et on voit que l'espérance de vie commence à augmenter à partir de 1840. Et à ce moment-là, l'espérance de vie était 40 ans. Mais c'était fortement diminué parce qu'il y avait plein de bébés et plein de des enfants qui meuraient. Parce que l'espérance de vie d'un homme de 65 ans en 1840, vous pouvez estimer combien c'était ? 11 ans. Et maintenant, c'est 18 ans. Et donc, sur presque 200 années, ça a seulement augmenté avec 7 ans. Et si on va comparer l'espérance de vie d'un homme de 85 ans, en moyenne, il était déjà mort, évidemment. Mais il y avait toute une série de gens de 85 ans, déjà en 1840, et leur espérance de vie, c'était 3,9 ans. Et maintenant, c'est 5,8 ans. Donc, sur presque 200 années, l'espérance de vie a seulement augmenté avec 1,9 ans pour les personnes les plus âgées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plus de gens maintenant qui vivent une vie complète. La pyramide, c'est devenu un appartement. Donc, il y a 9 sur 10 qui atteignent l'âge de 60 ans maintenant. Et sur cette cet appartement, sur ce bâtiment, il y a une pyramide. C'est dont Jean-François a parlé. Donc, plus de gens vivent une vie complète, mais l'homme n'a presque pas changé. La population est devenue beaucoup plus âgée, mais l'homme n'a pas changé. Et donc, ce n'est pas un hasard que l'âge de la pension est entre 60 et 65 ans dans le monde entier. C'est parce que la majorité des gens, entre 60 et 65 ans, ils sont usés, ils sont fatigués et ils sont plus capables de tenir les rythmes des gens moins âgés. Donc ça, c'est un élément. Et donc, en réponse à ça, les syndicats disent, et je pense que c'est super important, à 67 ans, tous les métiers sont pénibles. Pour presque tout le monde, c'est impossible. Et donc, ils sont venus avec tous leurs plans de 65, 60, 55 ans. L'âge de la pension, au plus tard, à 65 ans, à partir de 60 ans, droit de pouvoir arrêter pour ceux qui veulent. Et à 55 ans, une carrière des crédits temps pour diminuer. C'est sa fin de carrière. Et dans ce cadre-là, on peut discuter sur les métiers pénibles. Les vrais pénibles.